bienvenue au podcast Raida Web Marketing. Avec vous, Atrous Emna, consultante spécialiste en web marketing et en affiliation web. Aujourd'hui, nous allons parler de la veille sur le web. Et pour cela, j'ai interviewé Sylvain Guéguin, un consultant web marketing francophone. Maintenant, je vous laisse écouter l'enregistrement. Allô Sylvain? Oui. Ça va? Vous m'entendez bien maintenant? C'est très bien. D'accord. Ok. Merci Sylvain d'avoir accepté l'interview et bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Sylvain, pourriez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre expérience professionnelle? Oui, alors moi je suis en fait consultant e-marketing indépendant. Je travaille essentiellement sur la dimension production et édition de contenu digital et marketing communautaire. Auparavant, j'ai travaillé en agence en tant que consultant aussi. J'avais pour mission essentiellement de réaliser et de conseiller en fait mes clients sur la définition et la mise en place opérationnelle de points de communication online et de stratégie web plus globale qui inclut la définition de e-services, etc. Il y a quelques jours, vous avez eu l'idée de rédiger un article avec Emmanuel Gaden de webusage.net. Cet article intitulé « Confrontant nos méthodes de veille pour dégager de nouvelles bonnes pratiques ». Donc, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la veille sur le web ? Alors, la veille sur le web consiste en fait, un peu le même objectif que la veille que les entreprises connaissaient déjà auparavant, c'est-à-dire rechercher de l'information, la traiter pour permettre en fait de prendre des décisions ou d'agir tout simplement. Aujourd'hui, la veille sur le web en fait est une pratique qui est de plus en plus répandue. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une source d'information, le web, qui est très importante, ouais. Avec de nombreuses publications. Et aujourd'hui, justement, ces nombreuses publications entraînent des problématiques liées à la recherche d'informations et à la définition et à la mise en place d'une méthodologie qui permettrait de tirer profit de ces publications. Ouais. Aussi, la veille sur le web permet de suivre les tendances du marché et notamment le comportement du consommateur en tant qu'entreprise. Tout à fait. Ouais. Oui, donc, ça répond à de nombreux objectifs, effectivement. Justement, Sylvain, quels pourraient être ces objectifs ? Alors déjà, des objectifs personnels, parce que souvent la veille, ça commence un peu comme ça, c'est-à-dire une personne souhaite développer son expertise et auquel cas justement elle met une méthodologie de veille en place. Mm-hmm. Sinon, dans le cadre de l'entreprise plus globalement, pour analyser son marché, détecter des opportunités, des menaces, voir ce qu'il dit sur sa marque, sur le web. Donc la veille répond à vraiment à des objectifs très divers. Je pense qu'on peut dire qu'il y a autant d'objectifs que de personnes. Et c'est ce qui rend la veille très intéressante à étudier. Justement, la veille est intéressante et aussi importante à étudier. Et justement, qu'est-ce qui fait que la veille aujourd'hui devient de plus en plus importante sur le web? Alors, comme je le disais précédemment, il y a de nombreuses publications qui sont effectuées sur le web. Mmh. Peut-être trop, on en a parlé d'infobésité, donc justement de cette surconsommation ou de cette surproduction de contenu sur le web. Ouais. Et donc la veille aujourd'hui, enfin les enjeux, c'est justement comment exploiter toutes ces publications à son compte personnel ou à son compte collectif au travers d'une entreprise. Justement, Sylvain, il y a plusieurs sources d'informations et notamment aujourd'hui, on parle de plus en plus des réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que aussi l'importance de la veille est due à l'explosion des réseaux sociaux? Je pense pas qu'on puisse affirmer cela. Je pense que qu'a généré ce développement des médias sociaux, c'est plus justement la nécessité de contrôler ce qui se dit sur la marque ou de veiller justement sur ce qui se dit de la marque. Exactement. Mais hier, la veille, elle a été utilisée pour analyser un marché, pour gagner en expertise. Mais effectivement, il y a cette nouvelle problématique de réputation Exactement. qui va peut-être permettre de développer et de démocratiser la veille sur le web. Oui, c'est sûr. Aussi, Sylvain, pourriez-vous nous donner quelques outils de la veille sur le web? Oui, alors pour commencer, l'outil de base qui est l'agrégateur de flux RSS, donc comme Netvibes, Google, Reader, ça fait partie du premier outil à mettre en place pour un veilleur. Dans un deuxième temps, ce qui peut être utilisé, c'est des alertes, type Google Alert ou Twiller, qui permet de générer des alertes que vous allez recevoir soit directement par mail, soit directement via un flux RSS dans votre agrégateur, pardon. Donc ces alertes sont paramétrées en fonction de mots-clés sur des thématiques que vous souhaitez suivre plus particulièrement. Et ensuite, il y a d'autres outils comme les wikis, les blogs, les réseaux et aussi le microblogging comme Twitter, etc. Justement, Sylvain, aussi, puisque dans le web marketing, il y a plusieurs disciplines et ces disciplines donc, peuvent parfois se croiser. Et pour chaque discipline, en fait, nous avons des objectifs bien spécifiques qui peuvent déterminer en fait, les outils adéquats. Si, par exemple, je prends le cas de l'optimisation des sites web, donc comme outil de veille sur le web, on peut prendre les générateurs donc de mots-clés tels que Google AdWords, générateur de mots-clés, comme outil de veille. Oui, effectivement, mais je dirais que c'est pas forcément les outils qui varient, c'est plus les supports sur lesquels on va veiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui va vouloir veiller sur justement l'optimisation de site web, donc du référencement, ou une personne qui va vouloir comme toi veiller sur les thématiques liées à l'affiliation, vont utiliser globalement les mêmes outils. Simplement, ils vont les paramétrer différemment et ils vont sélectionner des supports différents. Mais la structure reste commune. C'est très bien. Donc en fait, finalement, l'usage dépend des besoins réels de l'utilisateur, en fait. Tout à fait. Et c'est là qu'est l'enjeu, c'est-à-dire vraiment savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, à court et moyen terme, sur quels axes on souhaite développer ses compétences. Oui, exactement. Justement, le fait de savoir ce qu'on veut exactement, ça facilite le filtrage. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de l'abondance de l'information et du coup, le filtrage de l'information devient de plus en plus difficile. Donc, le fait de préciser son objectif dès le début, ça facilite un peu le filtrage même à un niveau d'agrégation. Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais qu'il n'y a pas de veille sans objectif clairement défini en amont. Sylvain, vous avez déjà parlé comme outil de Google Reader qui facilite la veille collaborative et vous évoquez aussi cette notion de veille collaborative dans votre article. Donc, parlez-nous plus de ce concept, la veille Oui, la veille. collaborative. Alors la veille collaborative, c'est pas si nouveau que ça. On a tous l'habitude de partager les bonnes infos avec nos amis, etc. C'est L'idée, vrai. c'est que sur le web, il y a des personnes comme nous qui veillent sur des mêmes thématiques, sur des thématiques donc communes. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on veille plus efficacement que chacun dans son coin. Donc des outils justement comme Google Reader peuvent permettre de partager rapidement et facilement des informations avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Et ça, cet intérêt que ces personnes représentent un filtre justement de l'information et vont Exactement. uniquement vous délivrer que l'information pertinente. Donc Ouais. l'idée, c'est rassemblons-nous pour être plus efficaces. Justement ici, je suis d'accord en fait sur le point que nos amis en fait présentent des sources qui sont filtrées, des sources qu'ils ont déjà lues et trouvées pertinentes et donc ils ont décidé de partager ça avec leurs amis. Donc ici la notion de filtrage est très importante. Aussi, il y a Twitter, le service de microblogging, qui peut servir à ça aussi, la veille collaborative et au filtrage du contenu. Ouais, tout à fait. Et sur le, étant donné que Twitter, justement, c'est un réseau de microblogging avec des personnes qui ont justement des centres d'intérêt bien définis, ces personnes partagent des liens sur des sujets précis et décortiquent les publications au même titre que nous nous faisons de notre côté. L'idée, c'est donc soit de créer des groupes en fonction de thématiques communes, de centres d'intérêt communs, ou alors d'utiliser des outils qui sont complémentaires, comme MicroPlaza par exemple, qui permet de faire remonter dans votre agrégateur de flux les liens qui ont été tweetés ou retweetés par des amis à vous sur Twitter, et notamment des amis que vous pouvez sélectionner en fonction de leur centre d'intérêt. Oui, c'est très intéressant. Oui, le fait de créer des groupes en fait sur Twitter et cet outil en fait, ça permet encore de cibler et en fait de filtrer l'information et ainsi on élimine tout ce qui est bruit et on ne retient que l'information utile. Oui, à la différence près que sur Twitter, il y a quand même c'est quand même aussi un moyen de promotion qui fait que parfois on se retrouve avec quand même pas mal de bruit sur certaines informations parce que chacun fait son autopromotion. Et de ce fait-là, c'est là que des outils comme MicroPlaza deviennent intéressants. C'est que ça permet quand même d'éliminer ce genre de lien. Puisqu'en général, les liens qui nous sont présentés dans l'outil MicroPlaza sont des liens qui ont été tweetés et retweetés. Donc, il y a eu une deuxième validation de la qualité, de la pertinence de la source proposée par le premier Twitter. Et en fait, c'est ciblé par thématique. Tout à fait. Ça, ce filtre, c'est à vous de le faire, par contre. C'est à vous de le paramétrer. Mais comme je te l'avais dit précédemment, je ferai un article bientôt sur mon blog au sujet de cette application, qui je pense s'avérait très utile pour un grand nombre de veilleurs. Et qui cet article, en tout cas, aura pour objectif à la fois de présenter l'intérêt de l'outil et à la fois d'être un espèce de tutoriel pour la prise en main de l'outil, qui n'est pas forcément évidente au premier abord. Donc c'est pour ça que j'envisage même de créer un screencast pour présenter cet outil-là. Cette idée est vraiment géniale. En fait, ce screencast va permettre donc aux veilleurs de bien comprendre comment exploiter cet outil. En fait, je vous encourage à faire ça, Sylvain, et ça sera publié sur Acoustic, non? C'est ça, acoustique.com, ouais. Ici, en fait, ce que je trouve, moi, la tâche en fait la plus difficile dans la veille, c'est en fait le filtrage. C'est ça en fait le filtrage. Et on pourrait trouver deux agents de filtrage. En fait, les agents plutôt humains, nous les utilisateurs, et aussi les automates. Donc comme le cas de Google Alert, il permet un filtrage automatique. Mais est-ce que c'est vraiment, vous pensez, est-ce que c'est vraiment le filtrage automatique, est-ce que c'est vraiment très pertinent? Mais aussi, la présence humaine, elle est indispensable parce que c'est toujours à la fin, c'est l'utilisateur qui va déterminer si cette information est pertinente ou pas. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Emna. L'idée, c'est qu'effectivement, les outils nous permettent de faire émerger davantage de nouvelles sources d'informations. Après, à nous de les trier, tandis que l'humain, lui, aura déjà effectué ce tri. Et là, je dirais, les informations que vous allez pouvoir consommer à partir d'un filtrage humain seront déjà très pertinentes. Il n'y a pas besoin de second filtrage. Et aussi, en fait, vous avez parlé de la méthodologie de la veille tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on pourrait dire aussi c'est le processus de la veille, c'est ça? Donc, Oui, en fait, on peut déterminer les étapes dans la veille, qui est la définition des sources d'information, donc où je vais piocher justement toutes mes informations. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des alertes Google, on a parlé parler de blog, de wiki, D'accord. on parlait d'un certain nombre de supports de Oui. ce type-là. Après, ces supports, comment les consommer et comment centraliser toutes ces informations, c'est avec l'agrégation. Ça, c'est la deuxième étape du processus qui est agréger toutes les contenus. D'accord. Là, il y a deux possibilités, en général, des agrégateurs de flux et l'email. Et D'accord. après, il y a dans cette même étape, il y a le filtrage. Alors, il y a le filtrage qu'on fait soi-même personnellement, ou le Oui. filtrage qui est effectué par les personnes qui veillent avec nous sur certaines thématiques. D'accord. Là, c'est deux niveaux de filtrage. Et ensuite, effectivement, cette information, eh ben, il faut qu'elle nous serve à quelque chose, ou en tout cas, elle nous servira peut-être à quelque chose plus tard. Donc, il faut Oui. la stocker, il faut la digérer. Ouais. Et pour cela, il y a différentes façons, soit écrire des billets pour des blogs, soit utiliser les outils de bookmarking, pardon. D'accord. Là aussi, il y a un enjeu dans l'utilisation des bookmarking qui est celui de générer, enfin de créer des tags et qui soient cohérents et qui soient vraiment adaptés au contenu si on veut pouvoir réutiliser ces informations dans un avenir plus ou moins lointain. D'accord, ok. Sylvain, quels sont les défis de la veille sur le web et comment pourrions-nous les surmonter? Alors, deux principaux enjeux selon moi. Donc, on avait parlé du filtrage précédemment. Donc, ça, c'est le principal enjeu sur lequel il y a encore tout à faire. Ouais. Et il y a un deuxième enjeu qui est celui du classement. D'accord. Aujourd'hui, une personne qui veille, elle peut bookmarker, donc mettre dans ses favoris une dizaine de liens par jour. Comment faire pour que le classement utilisé dans ce bookmarking soit optimal dans une utilisation, comme je le disais précédemment, à plus ou moins long terme. D'accord. Oui, vraiment, le filtrage, c'est déjà un grand défi. Pour les surmonter, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est se dire une chose quand on pied dans la veille, Ouais. on se met aussi dans une démarche qui vise à optimiser cette démarche de veille constante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une méthodologie de veille est toujours perfectible, en fait, et l'idée, c'est de tendre vers l'efficacité optimale. Ouais. Donc ça, c'est le premier conseil, si je puis dire, mettre Ouais. en place une démarche d'optimisation constante. D'accord. Deuxièmement, comment faire pour surmonter? Je pense que là, je ne suis pas forcément la personne la plus pertinente pour en parler, mais disons que on voit l'émergence du web sémantique, et effectivement, ce web sémantique devrait nous permettre de pallier à un certain nombre de manquements qu'on constate aujourd'hui. D'autres choses, la veille va devoir se démocratiser. Alors comment? Là, il va y avoir un travail d'évangélisation, très certainement, au sein même de l'entreprise, pour qu'elle sensibilise leurs collaborateurs à mettre en place une démarche de veille régulière pour gagner en expertise. Ouais. Justement, c'est un travail d'optimisation en fait constant et cette optimisation implique la mise à jour aussi des ressources ou plutôt des sources d'informations. Et en ce qui concerne la démocratisation, c'est très important parce que les profils d'utilisateurs peuvent varier et on peut avoir des personnes qui ne maîtrisent pas parfaitement tout ce qui est web sémantique ou bien langage, par exemple, de moteur de recherche et tout. Donc, il faut faciliter toujours la tâche à l'utilisateur pour bien optimiser son processus de veille. Oui, tout à fait. Je pense que dans certaines écoles, ça commence à émerger ce genre de discours. Des personnes, justement, on parlait depuis le début du web, on parle du web invisible, qui a été considéré longtemps, et à juste titre d'ailleurs, comme une source d'information très pertinente, mais très peu utilisée aussi, parce que justement, les personnes ne savaient pas déjà que ça existait et ne savaient pas comment tirer profit de tout cela. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement des efforts qui ont déjà été menés de la part des moteurs de recherche, notamment avec la possibilité de rechercher uniquement des documents en PDF, etc., dans les options Voilà. avancées de Google. Mais au-delà de ça, il va falloir vraiment démocratiser les usages, notamment du RSS, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est pas acquis par tout le monde. Et c'est l'objet, je suppose, de nombreuses conférences. Moi-même, normalement, je devrais animer un petit déjeuner à ce sujet sur l'utilisation des agrégateurs de flux, puisque c'est un sujet qui anime la curiosité des entreprises, mais elles n'y sont pas formées encore. Donc, je pense qu'il y a un D'accord. travail à faire à ce niveau-là aussi. Bien sûr. Et aussi, les blogueurs ont un rôle très important pour ça, en fait. Justement, je devrais en faire autant. D'ailleurs, lorsqu'on propose à nos lecteurs, bon, tout dépend aussi des profils. Nous, par exemple, dans le web marketing, la plupart des personnes, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, ce sont plutôt des technophiles. Mais ça sera très intéressant aussi lorsqu'on propose sur un blog ou sur un site de s'abonner à un flux. De mettre par exemple un screencast, pourquoi pas, pour montrer à l'utilisateur comment s'abonner au flux et quels sont les lecteurs et tout, toute la démarche. Ouais, bah d'ailleurs j'avais écrit un article à ce sujet, c'est marrant que tu en parles, qui consiste justement, ça c'est un conseil que je recommande en tout cas à tous les blogueurs et qui coûte peu, enfin un peu de temps à mettre en place, c'est de créer une page abonnement où on explique justement les différentes possibilités qui sont offertes au lecteur pour s'abonner à son blog, et notamment expliquer ce qu'est le RSS et comment l'utiliser. Après, il faut bien évidemment proposer des outils complémentaires comme la newsletter qui permettent, Exactement. enfin, où le lecteur se retrouve assez simplement parce que tout le monde connaît le principe de la newsletter. Oui, c'est vrai, Sylvain. En fait, chacun a son canal préféré. C'est vrai, même si aujourd'hui on est en train d'aller vers les flux RSS, mais il y a toujours des personnes qui utilisent les newsletters. Ouais. Aussi, je pense aussi que d'autres en fait, organismes doivent s'investir en fait, dans la démocratisation et plutôt la sensibilisation à l'utilisation de ces outils, et parmi lesquels les universités. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais le problème après, c'est de pouvoir, eux, les sensibiliser d'abord, c'est-à-dire les membres des équipes pédagogiques Ouais, c'est ça, à ce c'est genre vrai. d'outils. Il faut d'abord commencer par cela et après, effectivement, faire des interventions aux élèves. C'est quelque chose, oui, qui serait effectivement très pertinent de faire, qui doit être fait d'ailleurs dans pas mal d'écoles aujourd'hui, je pense. En tout cas, en France, dans des filières marketing, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est pas, je ne pense pas en tout cas que ce sont des cours qui sont donnés à l'ensemble des spécialisations. Je m'entends une personne qui fait, je ne sais pas moi, qui est dans la filière scientifique, est-ce qu'on lui apprend à utiliser le RSS? Je suis pas sûr. Alors que ça devrait être un usage, ça devrait faire partie quasiment du tronc commun finalement. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. du tronc, des cours communs à toutes les filières. Et surtout, aujourd'hui, il y a des contenus, en fait, qui sont des contenus scientifiques et qui peuvent intéresser ces personnes. On a plutôt des niches et des thématiques qui sont intéressantes pour les personnes qui sont concernées. Donc, même pour les scientifiques, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas... ou Ils ne doivent même, pas veiller. voilà, c'est ça, qu'ils ne doivent pas veiller. Sur le web, il y a tellement de publications que l'on trouvera forcément quelque chose qui nous permettra de grandir notre expertise, de grandir notre savoir, notre connaissance générale. Et du coup, c'est tout l'intérêt de mettre en place une démarche de veille sur le web. Oui, et surtout aussi, Sylvain, une démarche de veille collaborative. Mais je pense que ça vient plus dans un second temps. D'abord, il faut que l'individu se fasse à l'outil et après qu'il se mette en mode de veille collaborative. Sylvain, déjà, nous avons parlé des flux RSS, mais aussi leurs voisins. On parle aussi de leurs voisins, qui sont les podcasts. Aussi, ce sont des outils de veille incontournables, je trouve. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a justement podcast vidéo, audio, etc. Exactement. C'est les outils de veille, enfin les outils, des supports en tout cas qui nous permettent de veiller tout en étant en déplacement. Par exemple, un podcast, on peut le télécharger sur son iPod et l'écouter ou le regarder tout en étant dans le train, dans le métro, etc. Et du coup, ça nous permet justement de rendre utile le temps le temps qui est aujourd'hui perdu à faire des transports, à faire enfin, rendre utile tous les temps morts qu'il peut y avoir au quotidien. Exactement, et c'est vrai. Aussi, on peut améliorer notre productivité grâce à ces outils de veille. Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est de aujourd'hui, la veille n'est pas forcément pratiquée partout. J'ai vu des endroits, effectivement, où la veille a été considérée comme une perte de temps dans les entreprises, alors qu'effectivement, ça peut l'être, ça peut le devenir une perte de temps. Mais si la démarche, justement, est optimisée, si la démarche de veille est optimisée, il y a un équilibre qui se crée entre justement acquisition de connaissances et du coup possibilité de revendre des services à long terme parce qu'on a une expertise et parce qu'on continue à la développer, tout en ne perdant pas trop de temps justement sur la veille et en consommant que les bonnes informations. Aussi, peut-être pour éviter ce problème, on doit charger plutôt des personnes pour en fait pour la veille sur le web. Et donc, par la suite, il faut s'organiser de façon à collaborer avec ces personnes. Donc, en fait, rendre aux décideurs de l'information pertinente, finalement. Tout à fait. Ouais. En entreprise, c'est l'exemple typique de la possibilité qu'offre la veille collaborative. C'est-à-dire que je sais pas, je vais prendre un exemple que l'on connaît bien, je suppose tous les deux, c'est les agences web. Aujourd'hui, chacun a sa spécificité dans l'agence, mais il est possible que justement les sources d'informations que le référenceur va suivre publient un jour un article sur l'affiliation. Et du coup, le référenceur va pouvoir transférer ce lien rapidement via les outils de veille collaborative à son collègue chargé de l'affiliation, qui en prendra connaissance par la suite et qui traitera ces informations. Merci d'avoir cité l'exemple de l'affiliation, Sylvain. Je suis passionnée de l'affiliation Je sais bien, j'avais bien compris. web. Merci Sylvain, vraiment c'était très intéressant, des informations riches et pertinentes que vous avez donc avancées. Sylvain, où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne? Alors, on peut me trouver un peu partout, donc Facebook, Twitter, etc. En général, vous tapez Acoustic, Akostic, ou Sylvain Guéguin, et vous allez me trouver facilement. Sinon, il y a bien évidemment mon blog, acoustic.com, et là, vous aurez accès à les zones où je suis présent en ligne, D'accord. donc les Twitter, etc. D'ailleurs, Sylvain, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et je conseille les auditeurs de vous suivre parce que vraiment, vous êtes une source d'inspiration. Vous m'avez inspiré à plusieurs reprises, Sylvain. Merci beaucoup. Merci à vous et pourquoi pas à notre interview, pourquoi pas. Sans problème, je me tiens à ta disposition. Merci Sylvain, à bientôt, au À revoir. bientôt. Au revoir. Donc voilà, c'était une interview avec Sylvain Guéguin, un consultant web marketing. J'étais très ravie de l'accueillir. Vous trouverez aussi des notes d'interview accompagnant l'enregistrement, des liens vers des références citées par Sylvain ou bien des liens vers son blog. Donc merci de votre attention et à très bientôt.